les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Il est des fantômes terrifiants et qui doivent apprécier cela, se vengeant sans doute d'un passé qui les importune. Il est des fantômes dépressifs. Il est aussi des fantômes qui aiment transmettre une philosophie de la vie, faire voir ce qu'est l'amour, par exemple. Et il est des fantômes qui sont nés dans l'imagination d'Oscar Wilde, des fantômes chanceux, en quelque sorte. Le fantôme de Canterville, première diffusion sur France Culture le 15 février 2014. Le fantôme de Canterville, d'Oscar Wilde. Adaptation, Hervé Prudhon. Lorsque M. Hiram Otis, ministre des États-Unis d'Amérique, acheta le domaine de Canterville Chase, tout le monde lui dit qu'il faisait une folie, car il n'y avait pas le moindre doute que le manoir fût hanté. Lord Canterville tint à le prévenir sans embâge. Nous-mêmes avons dû renoncer à y habiter. Depuis que ma grand-tante, la duchesse douairière de Bolton, après avoir senti les deux mains d'un squelette se poser sur ses épaules, a été prise de fortes convulsions dont elle ne s'est jamais remise, et que plusieurs autres membres de notre famille, dont la parole ne saurait être mise en doute, ont vu le fantôme, ainsi que le recteur de notre paroisse, le révérend Augustus Dampier, qui est un éminent diplômé du Trinity College de Cambridge. Autant vous dire qu'aucun de nos jeunes domestiques n'a voulu rester à notre service et que Lady Canterville a passé plus d'une nuit blanche à cause de bruits mystérieux provenant du couloir et de la bibliothèque. Ce à quoi le ministre répondit amusé. Milord, je suis prêt à prendre le mobilier à sa valeur d'estimation. Et votre fantôme avec. Je viens d'un pays moderne, où nous avons tout ce que le dollar peut acheter. Et je gage que s'il y a le moindre fantôme en Europe, il sera vite en bonne place dans un de nos musées nationaux, ou en tournée dans un train fantôme. Notre fantôme existe bel et bien. Il n'est pas à vendre, ne vous déplaise. Il est ici chez lui depuis 3 siècles. Exactement depuis 1584, et il y restera, car je doute fort que les propositions de vos impresarios lui fassent ni chaud ni froid. Mais dans ce cas, tout va bien, monsieur, topons-la. Et vous voudrez bien vous souvenir que je vous aurai averti. Quelques semaines après cet entretien, l'acquisition fut effectuée. Et à la fin de la saison, le ministre et sa famille s'installèrent à Canterville Chase. Mrs. Otis avait été à New York une beauté célèbre. Et elle était restée une belle femme. Elle avait une constitution magnifique et une vitalité quasi animale. On eût même pu la croire anglaise, si elle s'était laissée aller à parler le baragouin de Shakespeare plutôt que la langue de Mark Twain. Son fils aîné, prénommé Washington par ses parents dans un accès de patriotisme, était un fringant jeune homme aux cheveux blonds qui s'était brillamment qualifié pour la carrière diplomatique en conduisant le cotillon au casino de Newport durant 3 saisons consécutives. Et il était connu jusqu'à Londres pour être un excellent danseur. Miss Virginia Otis était une jeune fille de 15 ans, souple et charmante comme un fan, avec dans ses grands yeux un air de liberté farouche. Elle montait remarquablement en Amazone, pour le plus grand plaisir du jeune duc de Cheshire, qui avait demandé sa main mais avait été renvoyé en larmes à Eton par ses tuteurs. Après Virginia, venaient les jumeaux, surnommés la peste et le choléra, et je vous laisse deviner pourquoi. Canterville Chase étant situé à 11 km d'Ascot, la gare de chemin de fer la plus proche, M. Otis avait télégraphié pour qu'une voiture les y attendît, et ils se mirent en route plein d'entrain. C'était une splendide soirée de juillet. L'air embaumait de l'odeur des pins. De temps à autre, on entendait roucouler un ramier, où on apercevait, tapis dans les fougères bruissantes, le poitrail brun d'un faisan. Des petits écureuils leur lançaient des regards curieux, et sur leur passage, les lapins détalaient à toute allure à travers les fourrés, leur queue blanche dressée en l'air. Mais quand ils pénétrèrent dans l'avenue de Canterville Chase, le ciel se couvrit de nuages. Un calme étrange s'empara de l'atmosphère, un grand vol de corneilles passa au-dessus de leur tête, et avant qu'ils n'eussent atteint la maison, il pleuvait. Debout sur le perron, pour les recevoir, se tenait une vieille femme habillée de soie noire, en bonnet et tablier blanc. C'était Mrs. Umney, la gouvernante, que Mrs. Otis, à la prière de Lady Canterville, avait consenti à maintenir dans sa charge. Elle leur fit à tous une profonde révérence, et après avoir traversé le vestibule de style Tudor, ils entrèrent dans la bibliothèque lambrissée de chêne noir. Ils y trouvèrent le thé servi, s'assirent et commencèrent à regarder autour d'eux. Tout à coup, Mrs. Otis aperçut une tache rouge sombre sur le parquet tout près de la cheminée. Je crois qu'on a renversé là quelque chose. Oui, madame, c'est du sang. Mais c'est abominable! Je ne tolère pas de taches de sang dans mon salon, il faut me nettoyer ça tout de suite. C'est le sang de Lady Eleanor de Canterville, qui fut assassinée ici même par son propre mari, Sir Simon de Canterville, en 1575. Sir Simon lui survécut 9 ans, avant de disparaître soudain, dans des circonstances fort mystérieuses. Sachez seulement que son corps n'a jamais été découvert, mais que son esprit coupable hante encore le manoir. Cette tache provoque l'épouvante de tous les visiteurs, mais elle est impossible à enlever. Tout ça, c'est de la blague. Le super extra détersif Pinkerton enlèvera ça en un rien de temps. Et avant que la gouvernante ne pût intervenir, il était à genoux et frottait vigoureusement le parquet avec une sorte de cire, jusqu'à ce qu'il ne reste plus trace de la tache. Je savais bien que l'ultra-détersif en viendrait à bout. À peine eut-il prononcé ces mots qu'un éclair terrible illumina la pièce, suivi d'un roulement de tonnerre qui fit chacun se dresser d'un bond. Mrs. Umney s'évanouit. Quel climat monstrueux. Que peut-on faire d'un pays pareil sinon en émigrer? Mon cher Hiram, cette Mrs. Umney compte-t-elle s'évanouir souvent? Si c'était le cas, il faudrait défalquer de ses gages ses pertes de temps. Après cela, elle ne s'évanouirait plus. Et de fait, au bout de quelques instants, Mrs. Umney revint à elle. Mais elle était persuadée qu'un malheur allait s'abattre sur la maison de manière imminente, car elle tenait pour avéré que le fantôme apparaissait toujours avant une catastrophe. Monsieur Otis et son épouse rassurèrent chaleureusement la brave femme et augmentèrent ses appointements de façon substantielle pour qu'elle se sente plus que jamais chez elle à Canterville Chase. L'orage se déchaîna toute la nuit, et au matin, lorsqu'ils descendirent pour le petit déjeuner, ils retrouvèrent la terrible tache de sang que Washington s'empressa d'effacer à nouveau, mais elle réapparut le lendemain, ainsi que le jour suivant. Monsieur Otis ferma la bibliothèque à double tour, considérant qu'il s'était montré trop pragmatique dans sa dénégation de l'existence des spectres. Il décida de faire partie de la Spirit Society, et Washington écrivit une longue lettre aux éminents messieurs Myers et Podmore, spécialisés en questions ésotériques, au sujet de la permanence de taches sanglantes sur un parquet lorsqu'elles se rattachent à un crime. Mais cette nuit-là, tous leurs doutes furent à jamais levés. La journée avait été chaude et ensoleillée. La conversation était tombée comme souvent sur l'immense supériorité de la culture et du raffinement des Américains sur les Anglais, mais nullement sur l'existence des fantômes. Partis en promenade, ils n'en rentrèrent qu'à 9 heures et prirent un souper léger. À 11 heures, tout le monde s'était retiré dans sa chambre. Quelque temps après, M. Otis fut réveillé par un bruit bizarre dans le couloir. On eût dit un cliquetis. Il frotta une allumette et regarda l'heure. Il était exactement 1 heure. M. Otis se tâta le pouls, qui n'était nullement fébrile. Le cliquetis se prolongea, accompagné d'un bruit de pas. M. Otis chaussa ses pantoufles, prit dans sa mallette une petite fiole oblongue et ouvrit hardiment la porte. Juste en face de lui, il put voir à la lueur blafarde du clair de lune un vieillard d'aspect terrifiant. Il avait des yeux rouges comme des charbons incandescents et une longue chevelure grise lui tombait sur les épaules. Ses vêtements démodés étaient sales et élimés. Des fers rouillés lui pendaient aux poignets et aux chevilles. « Cher monsieur, permettez-moi d'insister pour que vous huiliez vos chaînes qui nous empêchent de dormir. Je vous ai apporté à cette fin une petite burette de lubrifiant soleil levant. Nos plus fameux ecclésiastiques s'en servent pour manier l'aspersoir et l'encensoir à l'office sans réveiller personne. Je me ferai un plaisir de vous en fournir encore si vous en avez besoin. » Sur ces mots, le ministre des États-Unis posa le flacon sur une table à dessus de marbre et se retira dans sa chambre pour se reposer. Un instant, le fantôme de Canterville demeura absolument immobile. Puis il jeta violemment le flacon sur le parquet et s'enfuit le long du couloir en poussant des gémissements et en diffusant une lueur verdâtre. Mais au moment précis où il atteignait le haut de l'escalier, une porte s'ouvrit. Et 2 petits personnages apparurent, vêtus de longues robes blanches, et un gros oreiller lui frôla la tête avec un sifflement. Il n'y avait pas de temps à perdre, aussi adopta-t-il à la hâte la 4e dimension. Il disparut à travers le lambris, et la maison retrouva le silence. Dès qu'il eut atteint un petit cabinet secret dans l'aile gauche, il s'appuya contre un rayon de lune pour reprendre haleine et faire le point sur sa situation. Jamais, en 300 ans de brillante carrière, il n'avait été aussi grossièrement insulté. Il songea à la duchesse Douairière, qu'il avait jadis frappée d'épouvante, et aux 4 servantes saisies d'une crise d'hystérie parce qu'il les avait simplement regardées avec un sourire grimaçant, et au recteur de la paroisse dont il avait soufflé la bougie, et à Madame de Trémouillac, qui avait dû garder le lit pendant 6 semaines avec une fièvre cérébrale. Tous ces grands triomphes lui revinrent en mémoire. Depuis le maître d'hôtel, qui s'était suicidé d'un coup de pistolet parce qu'il avait vu une main verte frappant au carreau, jusqu'à la belle Lady Stutfield, qui fut contrainte de porter toujours autour de la gorge un ruban de velours noir pour cacher la brûlure qu'avaient laissé 5 doigts sur sa peau blanche, et qui finit par se noyer dans l'étang aux carpes. Il se remémora sa dernière apparition en tant que Ruben le Rouge ou le nourrisson étranglé, et ses brillants débuts en Gédéon le Décharné, le suceur de sang de Bexleymour, et le succès prodigieux qu'il avait obtenu un beau soir de juillet en jouant aux quilles avec ses propres ossements sur le gazon du cours de tennis. Et après tout cela, quelques misérables Américains modernes venaient lui offrir du lubrifiant soleil levant et lui lancer des oreillers à la tête. C'était absolument intolérable. Aucun fantôme n'avait jamais été traité ainsi. Aussi décida-t-il que sa vengeance serait terrible. Le lendemain matin, quand les membres de la famille Otis se retrouvèrent pour le petit déjeuner, ils parlèrent longuement du fantôme. Le ministre des États-Unis était naturellement contrarié que sa fiole eût été aussi mal acceptée. « Je n'ai nul désir de causer le moindre tort à ce fantôme. Et je dois faire observer qu'étant donné le nombre de siècles qu'il a passé dans ces murs, j'estime qu'il n'est pas poli de lui lancer des oreillers. D'un autre côté, si le fantôme refuse de se servir du lubrifiant soleil levant, il faudra que nous lui enlevions ses chaînes qui nous empêchent de dormir. » Comme s'il l'avait entendu, le fantôme ne les dérangea plus du reste de la semaine. Seule la persistance de la tâche de sang témoignait de sa présence. une tache de la nature du caméléon. Certains jours rouge sombre, puis vermillon, avant de virer au pourpre ou au vert émeraude. Ces changements kaléidoscopiques amusèrent beaucoup la famille, à l'exception de la jeune Virginia qui faillit même pleurer le jour où la tache fut émeraude. La seconde apparition du fantôme eut lieu le dimanche soir. Peu après être allé se coucher, la famille fut alertée par un fracas épouvantable dans le vestibule. Descendu précipitamment, on constata qu'une énorme armure ancienne s'était détachée de son socle et était tombée sur le dallage, tandis que, profondément calé dans un fauteuil, le fantôme de Canterville se frottait atrocement les genoux, le visage empreint d'une expression de souffrance intense. Pour sa peine, les jumeaux lui décochèrent deux tirs de sarbacane. Cependant que le ministre le menaçait de son revolver, le sommant de lever les mains selon l'usage en vigueur dans le Far West. Le fantôme se dressa alors d'un bond et courut avec un hurlement sauvage. En haut de l'escalier, il lança son célèbre éclat de rire démoniaque, mais pour toute réaction, il vit Mrs. Otis sortir de sa chambre en peignoir bleu clair. Votre santé me paraît vraiment laisser à désirer. Aussi vous ai-je apporté un flacon de l'élixir du docteur Dobell. Si vous souffrez du foie, vous constaterez que c'est un excellent remède. Le fantôme la fusilla du regard et s'apprêta à se transformer en gros chien stupide, comme il l'avait fait pour l'oncle de Lord Canterville, l'honorable crétin J. Thomas Horton. Toutefois, un bruit de pas le fit reculer et il se contenta de devenir phosphorescent et de disparaître avec un gémissement sépulcral lorsqu'il vit les jumeaux le rejoindre. Pendant les jours qui suivirent, il tomba extrêmement malade. C'est à peine s'il quitta sa chambre, sinon pour entretenir la tache de sang. Il guérit néanmoins et résolut de faire une troisième tentative de sortie en vue d'effrayer le ministre américain et sa famille. Il choisit le vendredi 17 août et employa la journée à faire des essayages. Il opta finalement pour un grand feutre mou avec une plume, un linceul plissé au poignet et un poignard rouillé. Vers minuit, il y eut un violent orage. Toutes les portes du vieux manoir claquaient et craquaient. Bref, c'était le temps idéal pour montrer de quoi il était capable. Il décida de se rendre d'abord sans bruit dans la chambre du jeune Washington, car il savait très bien que c'était ce paltoquet qui effaçait la célèbre tache de sang avec l'extra détersif Pinkerton. Il l'amènerait à un état de terreur insoutenable en le couvrant d'injures et en lui enfonçant par trois fois le poignard rouillé dans la gorge. Puis il se rendrait dans la chambre occupée par le ministre et sa dame, et là, il poserait une main moite et glacée sur le front de Mrs. Otis, cependant qu'il susurrerait à l'oreille de son mari les secrets effroyables du charnier du manoir. En ce qui concerne la petite Virginia, elle ne l'avait jamais insultée d'aucune façon, et elle était douce et jolie. Lui tirailler son couvre-pied avec des gestes saccadés de ses doigts paralytiques devait être suffisant. Quant aux jumeaux, maudits jumeaux, il leur réservait un châtiment exemplaire. D'abord les asphyxier en leur écrasant les poumons. Puis se tenir debout entre deux en prenant la forme d'un cadavre livide jusqu'à ce que la peur les paralyse. Enfin, rejeter le linceul et ramper avec ses ossements tout blanchis et un seul œil qu'il ferait rouler dans son orbite, tenant ainsi son rôle de Martin le maniaque ou le squelette du suicidé. À 10h30, il entendit la famille aller se coucher. À 11h, tout était silencieux. Et aux 12 coups de minuit, il se mit en route. La chouette battait des ailes contre la vitre. Le corbeau croissait. Le vent errait autour de la maison en gémissant comme une âme en peine. Et la famille Otis dormait sans se douter du sort qui l'attendait. Il sortit à pas de loup derrière le lambris, un rictus cruel au coin des lèvres à faire pâlir la lune. Il poursuivit son chemin sans bruit comme une ombre mauvaise, brandissant le poignard rouillé et marmottant d'étranges jurons d'un autre temps. L'horloge sonna le quart. L'heure était venue. Il eut un rire intérieur et tourna le coin du couloir. Mais il recula aussitôt en gémissant pitoyablement. Juste en face de lui se dressait un autre spectre, de stature titanesque. Sa tête était chauve et son visage rond, gras et blanc. Des flammes s'échappaient de ses orbites et il portait un vêtement hideux, pareil au sien, sur la poitrine duquel était fixé un écriteau où était inscrite la liste ignominieuse de ses péchés. Dans la main droite, l'apparition brandissait un glaive étincelant. Comme c'était le premier fantôme qu'il voyait, il fut tout naturellement épouvanté et s'enfuit, trébuchant dans son suaire. Une fois dans ses appartements, il se jeta sur un grabat et s'enfuit sous les couvertures. Quand le vieux courage des Canterville eut repris le dessus, il se résolut à pactiser avec l'apparition, pensant que deux fantômes valaient mieux qu'un seul pour se colter avec les deux jumeaux. Mais un malheur était arrivé à son nouveau copain. La lumière s'était éteinte dans ses yeux. Le glaive était tombé de sa main et il s'appuyait contre le mur dans une attitude extrêmement relâchée. Quand le fantôme de Canterville voulut l'étreindre, la tête se détacha et roula à terre. Et il ne froissa dans ses bras qu'un rideau de lit, tandis qu'un balai et un navet gisaient à ses pieds. À quoi diantre rimait ce nouveau mystère? Il saisit le panneau et lut ces mots révélateurs. « Si gît le fantasme des Otis, d'origine contrôlée, méfiez-vous des contrefaçons, tous les autres sont des faux. » Comme un éclair, la vérité se fit jour dans son vieil esprit. On l'avait moqué, bafoué, floué. Il serra ses gencives édentées et jura que quand Chanteclair aura fait retentir par deux fois son corps joyeux, la geste de sang s'accomplirait. À peine eut-il proféré ce serment que du toit d'une ferme lointaine un coq chanta. Le fantôme partit d'un long rire. Plus il attendit et moins il rit. Quand à l'aube les servantes arrivèrent, il regagna sa chambre et consulta des vieux grimoires. Tous étaient unanimes. Chaque fois qu'on avait fait usage de son serment, Chanteclair avait toujours chanté une seconde fois. Que la vilaine bestiole périsse de la mâle mort. Fut un temps où de mon fier épieu, je l'eusse embroché par la gorge. Et je l'eusse entendu pousser la chansonnette. Fût-ce la mort. Et il se retira dans un confortable cercueil de plomb, où il demeura jusqu'au soir. Le lendemain, le fantôme se sentit très très fatigué. Ses nerfs étaient complètement à vif, et il sursautait au moindre bruit. Durant 5 jours, il garda la chambre et se décida à abandonner la question de la tache de sang. Puisque la famille Otis n'en voulait pas, c'était qu'elle ne la méritait pas. Ce n'étaient que des personnes matérialistes, habituées à vivre bassement, tout à fait incapables d'apprécier la valeur symbolique des phénomènes extrasensoriels. Il se contenta d'apparaître en lançant des cris inarticulés le premier et le troisième mercredi de chaque mois. Il ôtait ses bottes, posait ses pieds sur les lattes de parquet vermoulu, s'enveloppait d'un grand manteau de velours noir, après avoir pris soin, à contre-cœur, de se huiler les chaînes avec du lubrifiant soleil levant. Malgré ses précautions, il ne s'en tirait pas sans égratignure. Des ficelles étaient sans cesse tendues en travers du couloir, et il s'y prenait les pieds dans l'obscurité. Un jour, alors qu'il était habillé pour le rôle d'Isaac le Noir ou le chasseur des bois de Hoglet, il fit une chute grave après avoir glissé sur une pente savonneuse installée par les jumeaux depuis l'entrée de la chambre aux tapisseries jusqu'au sommet de l'escalier de chêne. Cette dernière atteinte à sa dignité le mit dans une telle rage qu'il résolut de tenter un suprême effort pour raffermir sa dignité et son rang, et il se décida à rendre visite aux collégiens la nuit suivante dans son célèbre rôle de Rupert le Téméraire ou le Chevalier sans tête. Il y avait plus de 70 ans qu'il n'avait paru dans ce déguisement. La jolie Lady Barbara Modish en avait été tellement effrayée qu'elle avait sur le champ rompu ses fiançailles avec le grand-père de l'actuel Lord Canterville pour s'enfuir avec le beau Jack Castleton, déclarant que rien jamais ne la ferait s'allier à une famille qui permettait à un fantôme aussi hideux de déambuler sur la terrasse au crépuscule. Toutefois, ce rôle exigeait un maquillage extrêmement difficile, et il lui fallut largement 3 heures pour faire ses préparatifs. Enfin, tout fut prêt. Les grosses bottes cavalières étaient bien intentinées trop grandes, il n'avait qu'un seul pistolet d'arçon, l'autre ayant disparu, mais bon, dans l'ensemble, il était satisfait de son accoutrement. À 1h15, il se glissa hors du lambris et descendit dans le couloir. Désirant faire une entrée spectaculaire, il ouvrit toute grande la porte d'un geste violent lorsqu'un lourd broc d'eau lui tomba dessus, le trempant jusqu'aux os et manquant de quelques centimètres de lui briser l'épaule gauche. Au même instant, son infortune provoqua des rires provenant du lit à colonne. Il s'enfuit dans sa chambre à toutes jambes, et le lendemain, il fut immobilisé par un gros rhume. Dès lors, il renonça à tout espoir d'effrayer jamais cette grossière famille américaine et se contenta de rôder, chaussé de pantoufles, un gros cache-nez autour du cou et une petite arquebuse pour se défendre d'une éventuelle attaque des jumeaux. Il était manifeste qu'il se sentait tellement blessé dans ses sentiments qu'il refusait d'apparaître. Mais il fut admis que le fantôme était bel et bien parti. En conséquence, M. Otis se remit à son important travail sur l'histoire du Parti démocrate, Mrs. Otis organisa un pique-nique aux palourdes à l'américaine qui fit sensation dans le comté, les garnements s'adonnèrent à des parties de hockey, de baseball ou de poker, et Virginia parcourut les chemins sur son poney, accompagnée par le jeune duc de Cheshire, venu passer sa dernière semaine de vacances à Canterville Chase. Quelques jours après ces événements, Virginia et son chevalier servant chevauchaient dans les prés de Brockley. La jeune fille fit à sa jupe d'Amazon un accroc tel qu'elle entendit le réparer sur le champ. En rentrant, elle prit l'escalier de service pour ne pas être vue et, en passant devant la chambre aux tapisseries, il lui sembla y voir la femme de chambre. Elle y entra pour la prier de faire une reprise à sa jupe. Mais à sa grande surprise, c'était le fantôme de Canterville en personne. Il se tenait assis à la fenêtre, observant avec mélancolie l'or des feuilles jaunissantes. Sa tête était appuyée dans sa main, et toute son attitude exprimait un abattement extrême. Il avait l'air si pitoyable que la jeune Virginia, dont la première pensée avait été de s'enfuir, résolut d'essayer de le consoler. Sa démarche était si légère et si profonde la détresse du fantôme qu'il ne s'aperçut pas de sa présence avant qu'elle eût parlé. Je vous plains du fond du cœur. Sachez que mes frères rentrent demain à Eton. Et alors, si vous vous conduisez bien, personne ne vous tracassera. Mais c'est absurde de me demander de bien me conduire. Il faut que je secoue mes chaînes, que gère la nuit, et que je gémisse à travers les trous de serrure. C'est ma seule raison d'être. Ce n'est nullement une raison d'être. Et vous avez été très méchant. Mrs. Humney nous a dit que vous aviez tué votre femme. Non, parlons-en de celle-là. Je le reconnais volontiers. Mais il s'agissait d'une affaire strictement privée, comme qui dirait un drame conjugal. C'est fort mal de tuer les gens. Je déteste la sévérité facile de la morale abstraite. Ma femme était fort laide. Elle ne faisait pas en pesée, mais collerette. Et n'y entendait rien à la cuisine. Elle faisait bouillir les rôtis et oubliait de mettre la menthe dans le gigot. Mais peu importe, c'est le passé. Et ça n'était pas gentil de la part de ses frères de me faire mourir de faim. Vous faire mourir de faim? Pauvre fantôme, j'ai dans mon sac un sandwich, le voulez-vous? Merci, mais je ne mange plus jamais rien. Néanmoins, c'est bien aimable à vous. Et vous êtes plus gentil que le reste de votre affreuse famille, si grossière, si vulgaire et si malhonnête. Assez! C'est vous qui êtes affreux et vulgaire. Quant à la malhonnêteté, qui a volé les couleurs de ma boîte pour raviver cette ridicule tache de sang? Vous avez commencé par mes rouges, puis le jaune, l'indigo, même le blanc. Je ne peux rien faire d'autre que des clairs de lune blafards. Malgré cela, je ne vous ai jamais dénoncé, bien que je fusse fort contrariée. Car qui a jamais vu du sang vert? C'est une histoire de goût. Les Canterville ont du sang bleu, par exemple. Mais vous autres Américains, ça ne vous intéresse pas. Tratata! Nous autres Américains, nous vous conseillerions bien d'émigrer. Mon père vous ferait passer en douane parmi les spiritueux. Ensuite, à New York, je connais un tas de gens qui donneraient 100 000 $ pour avoir chez eux un fantôme de famille. Ça ne me plairait pas, l'Amérique. Dans ce cas, je vais demander à papa d'obtenir pour les jumeaux 8 jours de congé supplémentaires. Adieu. Je vous en supplie, ne partez pas, Miss Virginia. Je suis si solitaire et si malheureux. Je voudrais juste m'endormir. Et je ne le puis pas. Voilà qui est absurde. Même les bébés savent dormir. Et ils ne sont pas malins, les bébés. Il y a 300 ans que je n'ai pas fermé l'œil. Je suis si fatiguée. Pauvre, pauvre fantôme. N'y a-t-il nulle part où vous puissiez dormir? Au loin, là-bas, au-delà des bois de pins, il y a un petit jardin. L'herbe y est longue et drue. Il y a les grosses étoiles blanches de la fleur de Cibu. Et le rossignol y chante toute la nuit. Et la lune froide, pareille à un globe de cristal, penche ses regards sur ce jardin. Et l'if étend ses bras au-dessus des dormeurs. Vous voulez dire le jardin de la mort? Oui, la mort. Comme la mort doit être belle. Écouter le silence et n'avoir pas d'hier et pas de demain. Vous pouvez m'aider. Vous pouvez m'ouvrir le portail de la maison de la mort, car l'amour est plus fort que la mort. Avez-vous lu la vieille prophétie sur la fenêtre de la bibliothèque? Souvent. Elle a 6 vers que je connais par cœur, sans connaître leur sens. Quand celle aux cheveux d'or aura su arracher les mots d'une prière aux lèvres du péché, quand l'amandier stérile aura repris ses charmes et qu'une tendre enfant aura versé ses larmes, alors cette maison redeviendra tranquille et la paix reviendra de vers les Canterville. Il signifie qu'il faut que vous pleuriez beaucoup sur mes péchés et que vous priez pour mon âme. Alors l'ange de la mort aura pitié de moi. Je n'ai pas peur, fantôme. Et je demanderai à l'ange d'avoir pitié de vous. Ah ! Le fantôme se leva avec un petit cri de joie et il baisa la main de la jeune fille avec une grâce d'un autre temps. Il avait les doigts froids et les lèvres brûlantes. Mais Virginia n'hésita pas tandis qu'il lui faisait traverser la pièce plongée dans la pénombre. Sur les tapisseries étaient brodés de petits chasseurs qui lui disaient « Reviens !» Petite Virginia, reviens. Le fantôme lui agrippa la main plus étroitement. Des bêtes horribles à queue de lézard et aux yeux globuleux la surveillaient du haut de la cheminée et murmuraient « Prends garde, petite fille, il se peut que nous ne nous voyons plus jamais. » Mais le fantôme glissait sur les dalles et Virginia ne les écoutait pas. Quand ils eurent atteint le fond de la pièce, il marmotta quelques mots qu'elle ne comprit pas. Elle vit le mur qui s'évanouissait comme une brume se déchire, et devant elle une grande caverne noire. Un vent mordant les enveloppa, et elle sentit quelque chose qui tirait sa robe. « Vite, vite !» insistait le fantôme, « sinon il sera trop tard !» En un instant, le lambris s'était refermé sur eux, et la chambre aux tapisseries était vide. Une dizaine de minutes plus tard, la cloche sonna pour le thé, et Virginia ne descendit pas. Lorsque 6 heures sonnèrent, ce fut assez inhabituel pour s'en inquiéter, et Mrs. Otis envoya les garçons la chercher. Ils ne la trouvèrent nulle part, ayant pourtant fouillé partout. Monsieur Otis se rappela soudain qu'il avait autorisé une bande de romanichels à camper dans le parc. Aussi, accompagné de son fils aîné et de 2 valets de ferme, se mit-il immédiatement en route pour Blackfell Hollow, où il savait trouver leur campement. Le petit duc de Cheshire, absolument fou d'inquiétude, supplia Monsieur Otis de lui permettre de les accompagner. Et Monsieur Otis, vivement touché du dévouement du jeune homme envers Virginia, finit par accepter. En arrivant, ils constatèrent que les romanichels étaient partis de façon précipitée, car le feu était encore allumé. Ayant dépêché le jeune duc, Washington et les 2 valets pour fouiller les environs, Monsieur Otis se hâta de rentrer à la maison pour avertir Scotland Yard. Car il devint manifeste pour tous que Virginia était perdue. Les romanichels s'étant manifestés et ayant même proposé leur aide pour rechercher la jeune fille. On draga l'étang aux carpes et on passa le domaine au peigne fin, sans le moindre résultat. C'est dans un profond état d'abattement que M. Otis et ses garçons se dirigèrent vers la maison. Dans un silence pesant, ils se réunirent tous pour prendre, malgré tout, une légère collation. Au moment où ils sortaient de la salle à manger, minuit sonna au clocher. Lorsque retentit lourdement le dernier coup, ils entendirent un fracas et un cri perçant. Puis un coup de tonnerre épouvantable ébranla la maison. Les sons d'une musique supraterrestre flottèrent dans l'air. Un panneau au sommet de l'escalier s'enfonça brusquement dans le mur avec un bruit violent. Et la jeune Virginia, très pâle, apparut sur le palier, tenant dans ses mains une cassette. Il ne leur fallut qu'un instant pour la rejoindre. Mrs. Otis étreignit passionnément sa fille. Le jeune duc la couvrit de baisers, et les jumeaux improvisèrent une danse sauvage. Grand Dieu, où étais-tu? Si c'est une farce, elle n'est pas drôle. Ta mère était morte de peur. Il ne faut plus jouer des tours semblables. Sauf au fantôme! Sauf au fantôme! Ma chérie, à moi, Dieu soit loué, tu es saine et sauve. Il ne faudra plus jamais me quitter. J'étais auprès du fantôme. Il est mort, et il faut que vous veniez le voir. Il avait été bien méchant, c'est vrai, mais il a regretté sincèrement tout le mal qu'il a fait. Et il m'a donné, avant de mourir, cette boîte de bijoux magnifique. Oh. Tous la dévisagèrent, muets de stupéfaction. Mais elle était parfaitement grave et sérieuse. Et elle les conduisit, par l'ouverture du lambris, le long d'un étroit couloir secret. Ils arrivèrent à une grande porte en chêne garnie de clous rouillés. Quand Virginia la toucha, elle bascula en arrière et ils se trouvèrent dans une petite pièce basse au plafond voûté, avec pour tout éclairage une fenêtre minuscule munie de barreaux. Encastré dans le mur, il y avait un énorme anneau de fer auquel était enchaîné un squelette étendu sur le sol de pierre et qui paraissait tenter de saisir de ses longs doigts décharnés un plat et une cruche d'eau placés hors de sa portée. La cruche était pleine d'une moisissure verte et le plat était vide. Virginia s'agenouilla et, joignant ses mains, pria, tandis que les autres contemplaient, saisis d'étonnement, la terrible tragédie dont le secret leur était à présent révélé. Ça alors ? Regardez ! Le vieil amandier desséché a refleuri ! On en voit distinctement ses fleurs au clair de lune. Dieu lui a pardonné. Virginia, vous êtes un ange. Quatre jours après ces événements, une procession funèbre partit de Canterville Chase vers 11h du soir. Le corbillard était tiré par 8 chevaux noirs, dont chacun portait sur la tête un grand toupet de plumes d'autruche. Et le cercueil de plomb était couvert d'un somptueux drap de pourpre sur lequel était brodé en or l'écusson de Canterville. Lord Canterville, qui conduisait le deuil, était venu tout exprès du pays de Galles, et il avait pris place dans la première voiture avec la jeune Virginia. Puis venait le ministre des États-Unis et sa femme. Puis les garçons. Et dans la dernière voiture se trouvait Mrs. Umney. Le fait d'avoir passé 50 ans de sa vie à avoir peur du fantôme lui donnait bien le droit de l'enterrer. Une fosse avait été creusée dans l'angle du vieil if, et l'office fut dit d'une manière très émouvante par le révérend Augustus Dampierre. La cérémonie terminée, conformément à l'usage, les domestiques éteignirent leurs torches. Et au moment où le cercueil fut descendu, la lune sortit de derrière un nuage. Un rossignol se mit à chanter, et Virginia songea à ce que le fantôme avait dit du jardin de la mort. Lord Canterville insista pour que les bijoux de la cassette, héritage de famille d'une valeur considérable, reviennent à Virginia, qui les avait bien mérités par son courage. Monsieur Otis eut beau refuser, Lord Canterville n'en démordit pas. Et quand Virginia fut présentée à la cour à l'occasion de son mariage, ses bijoux suscitèrent une admiration générale. Car Virginia avait reçu la couronne ducale, qui est la récompense de toutes les bonnes petites filles américaines, en épousant son jeune amoureux. Monsieur Otis aimait beaucoup le jeune Cheshire à titre personnel, tout en restant opposé aux façons nobiliaires. Toutefois, lorsque dans Hanover Square il descendit la nef de l'église Saint-Georges avec sa fille à son bras, il n'y avait pas dans toute l'Angleterre d'homme plus fier que lui. Après la lune de miel, le jeune duc et la jeune duchesse se rendirent à Canterville Chase. L'après-midi, ils firent une promenade au cimetière. Ils étaient sous les pins solitaires. Sur la tombe de Sir Simon, on avait gravé les initiales du vieil homme, accompagnées du verset de la fenêtre de la bibliothèque. Virginia avait apporté quelques magnifiques roses qu'elle effeuilla sur la tombe. Puis ils entrèrent dans le sanctuaire en ruine de l'ancienne abbaye. La duchesse s'assit sur un pilier écroulé, tandis que son mari, étendu à ses pieds, fumait une cigarette. Il leva les yeux sur elle. Virginia, une femme ne doit pas avoir de secret pour son mari. Mais Cécile, je n'ai pas de secret pour vous. Vous ne m'avez jamais raconté ce qui vous est arrivé quand vous étiez enfermée avec le fantôme. Je ne l'ai jamais confié à personne. Vous pourriez me le dévoiler à moi. Ne me demandez pas cela, Cécile, je ne puis vous le dire. Pauvre Sir Simon, il m'a fait voir ce qu'est la vie, ce qu'est la mort, et pourquoi l'amour est plus fort que l'une et que l'autre. Le jeune duc se leva et embrassa sa femme avec amour. Vous pourrez garder votre secret tant que j'aurai votre cœur. Cela, vous l'avez toujours eu. Et vous le révélerez un jour à nos enfants, n'est-ce pas ? Et sans rien dire, Virginia rougit. C'était Le fantôme de Canterville, d'Oscar Wilde. Adaptation, Hervé Prudhon. Traduction, Jules Castier et Marcel Schwab. Revue par Marie-Louise Astre. Conseillère littéraire, Caroline Moisana. Avec Guy Chapelier, le narrateur, Florence Lecor, Virginia, Jacques Garcy, le fantôme de Canterville, Bruno Pavio, Monsieur Otis, Marie Lenoir, Mrs. Otis, Annie Callan, Mrs. Umney, Claude Aufort, Lord Canterville, Brigitte Lecordier, les jumeaux, Slimane Yefsa, Washington, Guillaume Marquet, le jeune duc. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son et mixage, Pierre Mille. Assistance technique et montage, Emmanuel Armin. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Étienne Vallès. Le fantôme de Canterville, d'Oscar Wilde, est paru aux éditions Flammarion. Cette dramatique a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 15 février 2014. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.